radio en direct, émissions à la demande, podcasts originaux, découvrez l'application Radio France. Toutes vos radios en une seule application. Salut Frédéric, c'est Marco from Montpellier. Putain, super sujet sur Mad Men aujourd'hui, mais il manquait quand même le super dialogue de John, pour moi le meilleur dialogue de la série, quand le concessionnaire Jaguar lui dit « Mais je sais qu'au fond de vous, il y a une partie qui est contente de me voir. » Et qu'elle répond « Mais moi, je sais qu'il y a une partie de vous que vous ne voyez plus. » Et c'est aussi ça, Mad Men. À bientôt, super boulot. Oui, bonjour Blockbuster. Je suis sur l'île de la Réunion et je viens d'écouter avec un peu de retard le podcast sur Victor Hugo. Et je voulais juste ajouter ce petit point. Si vous allez à Besançon, surtout ne loupez pas la statue de Victor Hugo qui se trouve au centre de la ville. C'est une statue absolument magnifique, imposante, qui vous fait sentir toute la puissance du poète. C'est une sculpture de Ousmane Sow. Donc, ne la loupez pas et continuez votre excellent travail. Merci, Blockbuster. Bonjour, Blockbuster. Je me réjouis de l'émission de ce lundi sur Bruce Lee. Je suis née en 76. J'ai vu tous les films de Bruce Lee plusieurs fois, entraînés par mon grand frère. C'est grâce à Bruce Lee qu'avec mon frère, on s'était mis au nunchaku. Mon frère s'était violemment assommé avec un coup de nunchaku derrière la tête. Donc, on s'était vite mis au nunchaku d'entraînement en mousse, ce qui était plus raisonnable et plus sûr. Je fais encore occasionnellement du nunchaku, au grand émerveillement de mes enfants qui ont 6 et 10 ans, et je compte bien leur montrer des films de Bruce Lee, mais j'attends quand même un peu qu'ils grandissent. Be or not to be, not to be. Lors de la promotion de son dernier film, Il était une fois à Hollywood, Quentin Tarantino a dit à propos de Bruce Lee qu'il était arrogant et souvent condescendant vis-à-vis des cascadeurs américains. Et c'est vrai que les quelques interviews qui nous restent de lui peuvent faire penser que Bruce Lee n'était pas tombé dans un pot de modestie quand il était petit. Mais le diable se niche souvent dans les détails. Par exemple, Cassius Clay, alias Mohamed Ali, avait lui aussi la réputation d'être fort en gueule, et quand on y regarde de plus près, c'est arrogance qu'on lui reprochait. C'était tout simplement l'assurance d'un Afro-Américain qui non seulement s'est élevé contre les discriminations de son époque, mais a aussi refusé les règles d'un système qui ne lui convenait pas. En refusant de prendre part à la guerre du Vietnam, qui n'avait aucun sens pour lui, car comme il le disait, aucun Viet Cong ne m'a jamais traité de nègre, Mohamed Ali a livré un de ses plus grands combats et l'histoire lui a donné raison. Bruce Lee a dû lui aussi mener des batailles que l'on n'imagine même pas, dans une industrie du cinéma majoritairement blanche pour devenir la légende du cinéma qu'il a été. Quand tenait Bruce Lee à cette image de diva des arts martiaux imbue de lui-même, comme l'a fait Quentin Tarantino, c'est oublier un peu vite les discriminations qui pesaient hier et aujourd'hui sur les acteurs asiatiques. Loin de se victimiser, Bruce Lee a reçu des coups, il a décidé d'en rendre, comme Mohamed Ali. Il faut comprendre que ce que l'on appelle des fois l'arrogance ou de l'hystérie, c'est souvent tout simplement une minorité qui refuse de jouer le rôle de faire valoir qu'un système a écrit pour elle. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. My last name is Lee. Bruce Lee. Mort à seulement 32 ans, Bruce Lee n'a néanmoins pas perdu de temps pour créer un art martial, imposer un style et un cinéma qui font encore des émules aujourd'hui, et être le meilleur VRP des arts martiaux chinois sur la surface du globe. Pour revenir sur l'incroyable vie du dragon Bruce Lee, j'ai avec moi Adrien Gombeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, journaliste et critique de cinéma et auteur de Bruce Lee, un gladiateur chinois aux éditions Capricci. Avec nous également de retour, Marvin Montes, bonjour. Bonjour. Vous êtes podcasteur dans différentes émissions, parmi lesquelles Final Cut, Shitlist ou encore Hashcast sur le cinéma hongkongais. Et vous êtes aussi l'auteur de Hong Kong Action, Le Sabre, le Poing et le Fusil aux éditions Aardvark. Tout est vrai. Avec nous, pour la première fois, bonjour Fabien Moreau. Et bonjour. Vous êtes auteur et journaliste notamment pour Otomo et Rokirama. Et d'ailleurs, vous êtes le co-auteur du hors-série Rokirama, La Grande Bagarre, et contributeur au catalogue de l'exposition Ultime Combat au musée du Quai Branly. Tout à fait. Il est temps de retourner au 27 novembre 1940, à la naissance de Lee Junfan, celui que l'histoire retiendra sous le nom de Bruce Lee. I said, empty your mind. Fais le vide dans ton esprit. soit sans forme, sans contour, comme de l'eau. Si tu mets de l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Tu mets de l'eau dans une bouteille, elle devient la bouteille. Tu mets de l'eau dans une théière, elle devient la théière. L'eau peut couler lentement ou elle peut être furieuse. Sois comme l'eau, mon ami. Un extrait de l'interview de Bruce Lee au Pierre Berton Show en 1971. Adrien Gombeau, dans quelle famille a grandi Bruce Lee ? C'est une famille très particulière, puisque sa mère appartenait à une très grande bourgeoisie shanghaïenne et hongkongaise, et son père était un artiste vagabond, un grand professionnel de l'opéra cantonais. Donc il est vraiment entre deux mondes, et il sera toujours d'ailleurs toute sa vie entre deux mondes, entre les États-Unis et la Chine. Parce qu'il est né aux États-Unis. Il est né à San Francisco, oui, en 1940, comme vous l'avez rappelé, justement parce que son père est là-bas en tournée avec sa troupe dans tous les Chinatown américains pour faire des représentations d'opéra. Donc c'est pas du tout quelqu'un qui est issu d'une immigration, mais vraiment un voyage qui est lié au monde du spectacle. Et d'ailleurs, sa famille, enfin la famille de sa mère, a assez peu apprécié le fait qu'elle opte pour un saltimbanque sans le sou. Oui, parce que c'est vrai que sa mère avait un destin tout tracé de femme bourgeoise dans l'ex-colonie britannique et qu'elle épouse évidemment quelqu'un qui lui assure un avenir beaucoup plus compliqué. Et Bruce Lee est né de cette union très bizarre et très atypique pour l'époque. Et quel type d'enfance a-t-il eu, parce qu'ils sont assez rapidement repartis à Shanghai, et en fait, en lisant votre livre, je me suis rendu compte qu'on avait affaire vraiment à un petit délinquant. Oui, alors c'est à Hong Kong qui revient. Hong Kong, oui. Shanghai à l'époque est en plein bouleversement politique évidemment, et donc ils sont à Hong Kong dans ce monde cantonais, et effectivement lui est un petit délinquant. Mais il est en même temps déjà un acteur de cinéma, c'est-à-dire qu'il marche sur les traces de son père et que quand il fait pas le pitre à l'école et les 400 coups dans la rue, il est déjà sur des plateaux de cinéma où il devient assez vite un petit peu connu dans le cinéma local. C'est donc là qu'il attrape le geste caractéristique où il se frotte le nez comme ça. Alors c'est assez fascinant, oui, de voir les films qui tournent enfant, c'est-à-dire que d'un côté il est pas du tout le Bruce Lee qu'on connaît, il ne fait pas des films d'arts martiaux, mais pourtant déjà quand on voit ce qu'il a fait après, on sent qu'il est en train d'inventer ce personnage, justement, un peu insolent, assez malicieux et parfois même violent. Donc il y a déjà la graine de Bruce Lee dans ses premiers films qu'on oublie un peu lorsqu'on pense à Bruce Lee aujourd'hui. Marvin Montes, justement, cette irrévérence qui caractérise Bruce Lee, elle l'a suivi tout au long de sa carrière. Ouais, je pense qu'il y a vraiment ça, et je pense que c'est avant tout le résultat de son vécu, quoi. Parce qu'il y a toute cette période, justement, après ce que Adrien décrit, où il retourne aux États-Unis, et en fait, où toute sa vie, quelque part, va devenir un espèce de défi, quoi. C'est-à-dire qu'il va tenter d'enseigner les arts martiaux à des non-chinois. Ça va être assez... Ce qui n'avait jamais été fait. Ce qui n'avait jamais été fait, ce qui est plutôt mal perçu dans un milieu qui est quand même assez traditionnaliste, quoi. Il va tenter de s'imposer en tant qu'acteur aux États-Unis. Finalement, on va plus ou moins lui couper l'herbe sous le pied. Il va se retrouver dans des projets qui vont jamais vraiment décoller. Par exemple, le Frelon Vert, il y a la proto-série Kung Fu, qui finalement va atterrir entre les mains de David Carradine, qui est un acteur blanc qui n'avait aucune formation martiale. Voilà, donc toutes ces choses-là qui vont lui passer un peu sous le nez. Et donc ce qui fait, ouais, Bruce Lee, je pense que c'est un espèce de revanchard, quoi. Vraiment, tout le temps, quoi. Et il y a un autre aspect qu'on n'a pas encore abordé, c'est que c'est à l'époque où il était à Hong Kong, c'est un grand professionnel du cha-cha. oui, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on dit assez peu, mais qui, je pense, est très important pour Bruce Lee. C'est-à-dire, bien sûr, il s'intéresse aux arts martiaux, au Wing Chun, mais il fait aussi de la danse latine. Et c'est une danse qui est arrivée à Hong Kong par les marins, notamment philippins, et qui donc arrive comme ça d'Amérique du Sud, et lui se spécialise là-dedans, et il est vraiment très très très fort, il gagne des concours de cha-cha, et effectivement ce qu'il va faire, c'est à la fois un art martial mais aussi une danse, hein. On parle de chorégraphie, et ça le passionne véritablement. Quand il repart aux États-Unis sur le bateau, il arrondit un petit peu ses fins de mois, enfin il gagne un petit peu d'argent en donnant des cours de cha-cha, et aux États-Unis c'est vrai qu'il va être un grand professeur d'arts martiaux mais aussi un professeur de cha-cha. Donc ça montre qu'on est déjà dans un monde très métissé quand on parle de Bruce Lee. Fabien Moreau, donc là en filigrane, on a quand même déjà en quelque sorte une sorte d'enfant star, d'enfant de la balle, qui en plus se fait connaître pour ses dons de danseur, et pour l'instant, le kung-fu, le premier nom du kung-fu, parce qu'en plus, j'ai découvert qu'il y avait eu une sorte de réflexion pour rendre ça plus, plus tendance, et on a mis un K pour que ça parle au monde. Le kung-fu n'est pas encore apparu, c'est-à-dire que pour l'instant, on a vraiment juste une sorte de schéma qui est proche de West Side Story, quand on voit les bandes qui s'affrontent dans les rues. Oui, on est encore dans une sorte de chorégraphie dansant. Hein. C'est limite si on claque des doigts avec le couteau. Hein. D'ailleurs, Bruce Lee jouait bien du couteau avec ses profs et ses camarades quand il était plus jeune. Mais c'est vrai que il va amener progressivement peut-être l'esthétique du kung-fu, hein, comme il dit souvent. Progressivement, subtilement, aussi bien dans les cours qu'il va enseigner, justement, pas que aux Chinois, mais à des gens de toutes ethnies, que dans les séries qu'il va tourner aux États-Unis, puis ensuite dans les films qu'il va tourner à Hong Kong. Mais c'est vrai que, pour rejoindre Adrien, c'est vrai qu'on parlait de Mohamed Ali tout à l'heure, qui dansait lui aussi en faisant sa boxe, et c'est vrai que Bruce Lee va s'inspirer justement de cette grâce, de cette fluidité des pas pour l'amener à améliorer et d'une certaine manière conduire une sorte d'hybridation des arts martiaux. Et arrive cette autre légende du cinéma hongkongais, Ip Man. Le fameux maître de Bruce Lee. Alors les amateurs peuvent évidemment penser à Grandmaster de Wong Kar-wai avec Tony Leung. On pense évidemment aussi à Donnie Yen qui a fait une version assez récente de Ip Man. Et on se rend compte que le Ip Man originel n'a rien du tout à voir avec ce que l'histoire chinoise vend au cinéma. Mais Adrien Gombeau. Oui, c'est fascinant Ip Man parce que c'est un cas très particulier où le maître devient célèbre grâce à l'élève. C'est-à-dire que normalement, c'est l'inverse. Le mythe d'Ip Man, qui a été effectivement sans doute un grand professeur d'arts martiaux, mais s'il reste dans l'histoire, s'il est connu mondialement, c'est essentiellement parce qu'il a formé Bruce Lee. Mais Bruce Lee n'est pas un disciple aveugle de d'Ip Man. C'est quelqu'un qui va s'éloigner de son propre enseignement pour créer sa propre école. Donc quelque part, ça reste quand même un cancre. C'est-à-dire quelqu'un qui prend ce qu'il a à apprendre avec son maître et qui ensuite décide de faire ce dont il a envie et de créer sa propre école. Donc le rapport de Bruce Lee à Ip Man est très trouble, beaucoup plus trouble que ce qu'on a voulu écrire après dans le cinéma hongkongais. Et d'ailleurs, on en voudra beaucoup à Bruce Lee de ne pas se rendre à l'enterrement d'Ip Man. Marvin Montes, le style de combat que lui a enseigné Ip Man, c'est du Wing Chun. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ce qu'est le Wing Chun ? Alors, le Wing Chun, c'est un art martial, je pense vraiment traditionnel chinois. Voilà, c'est une des formes de Kung Fu les plus répandues au moment où Bruce Lee commence à se former aux arts martiaux. D'ailleurs, la petite précision aussi qui est importante, je pense, c'est qu'il se forme dans l'école de Ip Man, mais pas totalement. Enfin, je veux dire, c'est pas ce qu'on voit non plus dans le film. Oui, il n'y a pas le maître qui est tout seul avec l'élève. Autour de lui, devant le guerrier de bois, là, pour. Oui. Non, c'est absolument pas ça qui se passe. Voilà, c'est encore quelque chose d'extrêmement romancé, quoi. Mais voilà, oui, c'est un art martial traditionnel. Ce qui est important là-dedans, je pense, c'est de voir de quelle manière il s'est rendu compte assez rapidement que ça fonctionnait pas tant que ça en situation réelle. C'est ça que je trouve intéressant dans la manière qu'a Bruce Lee d'appréhender le combat. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense qu'on pourrait presque le comparer à une sorte d'instructeur de self-défense, en fait, aujourd'hui. Si on voulait prendre une manière de comparer, c'est-à-dire qu'il va aller prendre dans le maximum de mouvements qui vont être issus de la savate, de la boxe thaï, de la boxe anglaise, du Wing Chun qu'il connaissait déjà, pour créer donc son fameux Jeet Kune Do. Dans un but d'efficacité absolue, quoi. Oui, parce que quand il commence à apprendre à combattre, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que c'est pas du tout dans une vision spirituelle, de philosophie. Non, c'est vraiment pour pouvoir étaler des adversaires un peu plus grands que lui. En fait, c'est quelque chose qui tranche quand même beaucoup après une dizaine d'années d'hégémonie totale à Hong Kong du Wu Chapian, donc du film de sabre, et de sa version la plus éthérée, on va dire, donc post des réalisateurs comme King Wu, par exemple. Voilà. Et on en était dans une espèce de surexploitation du style, parce que le cinéma hongkongais fonctionne comme ça, il fonctionne par vagues. C'est-à-dire qu'en général, pendant une décennie, on va essorer jusqu'à la moelle un courant populaire, jusqu'à ce qu'il y ait un autre courant émergent qui vienne un petit peu mettre un coup de pied dans la fourmilière, et c'est exactement ce que fait Bruce Lee. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est là en 2022, on a été abreuvé de plein de choses, on se rend pas compte de la violence qui dégage quand il arrive, quoi. C'est vraiment quelque chose de... Bruce Lee, on n'est pas dans... On a déjà parlé de Jackie Chan, tout ça, on n'est pas dans quelque chose de burlesque ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que c'est la frappe létale, quoi. Vraiment, on est là pour faire mal, pour être violent, pour être efficace, quoi. Donc c'est vraiment ça qui tranche. On va poursuivre notre évocation de la carrière de Bruce Lee, mais il y a des thèmes mythiques dans l'histoire du cinéma, notamment celui de Lalo Schifrin pour Opération Dragon, et ce thème qu'on va écouter, il en fait indubitablement, parce que indubitablement ça veut absolument rien dire, indubitablement partie. Le thème d'Opération Dragon de Lalo Schifrin dans Blockbuster sur France Inter. Ma mère m'a fait promettre de ne plus me battre. J'ai tué tant de gens. Qu'est-ce que je dois faire? S'il m'arrive quoi que ce soit, ma mère sera seule. Elle a plus de 70 ans. Qui s'occupera d'elle? Elle ne survivrait pas dans la misère. Mais tous ses amis... Ils ne me connaissaient pas. Et pourtant, ils m'ont accueilli comme un frère. Ils m'ont aidé. Je n'ai pas le droit de les oublier. Non. Peu importe les conséquences, je dois tuer cet assassin. Je vengerai la mort atroce de mes amis. Il le faut. Il faut venger la mort atroce de ses amis. Il le faut. C'est un extrait de Big Boss de Low Way, sorti en 1971 à Hong Kong et en 1973 en France. Bruce Lee interprète en version originale Cheng Chao et la version française est interprétée par Philippe Auguste. Alors, on l'a dit, il a été formé à Hong Kong, mais ses résultats sont tels, c'est un élève tellement catastrophique, qu'on décide de l'envoyer aux États-Unis pour reprendre ses études dans l'espoir que là-bas, bah, personne ne sait, personne n'a accès à son dossier scolaire. Oui, alors c'est ça qui est très intelligent de la part de son père, c'est-à-dire que comme il est né à San Francisco, son père a fait une autorisation temporaire de sortie du territoire américain. Donc ça veut dire qu'il peut retourner aux États-Unis sans passer par tous les tracas administratifs qu'il y a. Et là, c'est sa planche de salut. Parce qu'en gros, à Hong Kong, vu son casier qui commence à être chargé, il va pas pouvoir poursuivre d'études, son avenir est très compromis. Et donc il part aux États-Unis. Parce qu'en plus, il rêvait de devenir médecin. Il rêvait de devenir médecin, ce qui était absolument impossible vu son cursus scolaire. Donc tout ce qu'il a à faire, c'est de partir. Et c'est très intéressant de voir qu'il va nourrir ses rôles futurs de ce qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il travaille dans un restaurant, qu'il s'entraîne au kung-fu à l'arrière du restaurant, ce qu'on va retrouver évidemment dans ces films. Il y a toute une mythologie de Bruce Lee qui va se créer là, entre l'État de Washington et la Californie, dans les premières années américaines de Bruce Lee. Et c'est là, effectivement, où il va aussi en profiter pour populariser les arts martiaux. Et puis, tout simplement, quand on voit sa correspondance, pour devenir quelqu'un de sérieux. C'est-à-dire que quand il part, il est un petit con. Et petit à petit, aux États-Unis, il se crée des ambitions, des idées pour développer le kung-fu en Amérique. Et il devient vraiment un adulte à ce moment-là. Et il a des élèves qui sont issus de communautés différentes, qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer à l'époque. Et des élèves qui ont en commun quand même d'avoir ce côté un peu revanchard. C'est une école de kung-fu qui se crée, qui vient vraiment de la rue, en fait, Marvin Montes. Dans la première école de Bruce Lee. Alors, qui vient vraiment de la rue, même si au final, on le connaît plutôt, je pense, pour ses élèves célèbres. Oui. Finalement, voilà, parce que c'est, on va retenir Kareem Abdul-Jabbar, Roman Polanski, et j'en passe. Steve McQueen, voilà, il y en a énormément. Mais en fait, il y a quelque chose dans sa carrière qui vient de la rue, y compris la manière dont le cinéma qu'il porte s'est popularisé, quoi. Parce que faut pas oublier aussi que, alors après tout ça, pour que son cinéma atteigne les États-Unis, une fois qu'il aura été popularisé après son retour à Hong Kong, il faudra passer par exemple par la Blaxploitation. Parce que par exemple, les films de la Blaxploitation rassemblaient un public qui était aussi passionné par oui, ce film. Oui, et c'est d'ailleurs toujours le cas, hein, même encore aujourd'hui. Il y a énormément de similitudes entre le cinéma dit noir et le cinéma de genre, arts martiaux et tout ça. Bien sûr, parce qu'en plus, le personnage de Bruce Lee, le personnage de chinois défenseur de son peuple face à l'oppresseur japonais. Souvent, c'est très caricaturé dans le cinéma chinois ou hongkongais. Hein. On sait que le japonais est un grand méchant. Le trait est un peu grossier. Généralement, quand on est assis à côté des nazis pendant un conflit, voilà. Il y a une petite colère. Et et tout ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que ça ramène vraiment le même genre de public. Et que c'est par le biais de ces mouvements-là, on va dire un petit peu alternatifs, que son cinéma va se populariser. Et qu'on va avoir des héros de la Blaxploitation qui vont se mettre à pratiquer le kung-fu, quoi. On a The Black Dragon, on a Black Belt Jones, on a énormément, quoi. Et donc oui, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment... En fait, c'est un cinéma, oui, de la rue et... C'est une culture de la rue, autant par les arts martiaux, surtout quelque chose de très populaire, quoi. Fabien Moreau, est-ce que on est déjà dans une forme de multiculturalisme presque mondialisé chez Bruce Lee? Est-ce que justement c'est pas ça qu'il a été un des premiers à sentir et à annoncer? Oui, déjà parce que Marvin mentionnait ses élèves célèbres, mais dans ses premiers élèves qui vont devenir aussi des instructeurs de Jeet Kune Do, on a Taki Kimura qui était un japonais qui avait été interné dans des camps. Donc Bruce Lee, lui, il était au-delà, on va dire, de toutes ces considérations racistes qu'on verra chez d'autres acteurs comme Wong Yu par exemple. Et on a Danino Santo aussi qui était d'origine Philippines, on a Jesse Glover qui était afro-américain, dont d'une certaine manière il a rassemblé d'un côté tous les gens qui avaient envie de se recréer. Exactement. Et ce qui le différencie des autres artistes martiaux dans les films, en tout cas, c'est qu'il a incarné aussi d'une certaine manière le prolétaire. Alors, ce qui est marrant, compte tenu des origines de l'aristocratie de sa mère, quand on le voit dans Big Boss, c'est le petit travailleur chinois qui arrive en Thaïlande. Pas forcément dans le La Fureur de Vaincre, où là c'est vraiment c'est le nationalisme tout à fait, mais après dans La Fureur du Dragon, là c'est le jeune type qui arrive pour servir dans le restaurant de la famille ou des cousins. Mais du coup, ça, il l'incarne, et ça, il y a très peu d'acteurs qui, en général, que ce soit Wong Yu ou même David Chang, incarnent toujours le fils d'eux ou le maître. Donc on est toujours dans une espèce d'aristocratie de l'art martial que Bruce Lee va un peu annihiler avec ces films-là, en disant que si moi je peux le pratiquer, tout le monde peut le faire. Et justement, il y a un passage de votre livre, Adrien Gobeau, qui m'a vraiment vraiment marqué, où vous dites qu'il s'est surtout inspiré des écrits d'un philosophe indien pacifiste, Jiddu Krishnamurti, qui dit « L'important, c'est d'être soi-même, sa propre lumière, son propre maître et son propre disciple. Lorsque vous vous dites indien, musulman, chrétien, européen ou autre chose, vous êtes violent. Pourquoi ? Parce que vous vous séparez du reste de l'humanité, et cette séparation due à vos croyances, à votre nationalité, à vos traditions, engendre la violence. Celui qui cherche à comprendre la violence n'appartient à aucun pays, à aucune religion, à aucun parti politique, à aucun système particulier. Ce qui lui importe, c'est la compréhension totale de l'humanité. » Oui, et ce qui est très intéressant là, c'est qu'on voit que ce qu'il a fait, il ne pouvait le faire qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que, bien sûr, il va devenir un grand symbole des arts martiaux chinois, mais ce qu'il a fait ne peut exister qu'aux États-Unis et surtout en Californie, à ce moment-là de l'histoire. C'est-à-dire que ces arts martiaux qu'il invente sont vraiment liés à cette culture, ce flower power, ce goût de l'Inde. Et on voit, il y a des photos très spectaculaires d'ailleurs, où il ressemble pas du tout au Bruce Lee qu'on connaît dans les films, mais où il porte des habits de l'époque, des choses à fleurs, etc. Donc il est vraiment imprégné par toute cette ambiance, Krishna, etc. Il est très intéressé par l'Inde, mais il est très intéressé aussi par la philosophie occidentale. Sa bibliothèque est tout à fait passionnante. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert à absolument tout. On a parlé évidemment de Mohamed Ali, mais il s'intéresse beaucoup à l'escrime occidentale aussi. Il y a des traités d'escrime dans sa bibliothèque. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouvera dans le film qui n'a jamais été achevé, Le Jeu de la Mort. Oui, il y a une scène d'escrime qui est une des plus belles scènes d'escrime qui existe, hein, qui est vraiment au niveau des Trois Mousquetaires ou de ce type de cinéma-là. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est arrivé aux États-Unis et qui a fait quelque chose de très américain, c'est-à-dire d'essayer de rassembler tout ce qu'il pouvait trouver sur place et d'en faire autre chose, y compris un philosophe indien. Et il y a sa rencontre avec Linda. Ouais. Son épouse, parce que un mariage mixte dans ces États-Unis-là, c'était quand même quelque chose de pas courant du tout. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que sa mère elle-même est métisse. C'est-à-dire que Bruce Lee est quelqu'un qui est né d'un métissage. Et effectivement, c'est quelque chose qui va être assez fascinant des deux côtés du Pacifique. C'est-à-dire qu'on voit que quand il commence à être un petit peu connu avec la série Le Frelon Vert, il y a des tas d'articles où on regarde avec un œil très curieux ce Chinois avec cette Américaine blanche, ses enfants métis. Et de même, quand il retourne à Hong Kong, le métissage fascine. C'est pas quelque chose qui est complètement accepté, complètement normal à l'époque. Et lui, effectivement, par ce mariage, par la personnalité qu'il a, est très en avance sur son temps, dans quelque chose, comme vous le disiez, qui est déjà dans une ère mondialisée, effectivement. Et on a parlé des élèves très connus de Bruce Lee. C'est vrai qu'il s'inscrit totalement, d'ailleurs Quentin Tarantino a basé son film là-dessus, mais dans une génération d'acteurs qui est assez impressionnante. Donc Roman Polanski, réalisateur. D'ailleurs, ça sera un des premiers à dire oui, c'est un gars, il m'a fait venir à Stadt en Suisse, mais en fait, il passe sa vie à courir après des nanas. On s'ennuie terriblement avec lui. Donc, comme quoi, il y a plein de gens qui disent, on savait pas. Si Bruce Lee savait déjà, en fait. Ouais, hein. Mais également, donc il y a Steve McQueen, Sharon Tate. Et d'ailleurs, il sera vraiment touché par l'assassinat de Sharon Tate, parce que comme c'était son prof, il s'est rendu compte que ses cours de self-défense n'avaient servi à rien dans le massacre dont elle était victime. Mm-hmm. C'est d'autant plus troublant quand on voit le film de Tarantino, qui est vraiment une belle uchronie de cette histoire-là, de se dire que finalement les deux personnes qui l'a enseigné, donc Jesse Bring, le coiffeur, et Sharon Tate, aurait peut-être survécu, alors que on voit dans le film, on retient la scène avec Brad Pitt, mais on voit cette scène où il enseigne le kung-fu à Sharon Tate, et c'est une scène très très touchante, parce qu'il est content, il est souriant, et ça donne une idée de l'instructeur sans doute très humaniste qu'il a été. Il y a aussi Nancy Kwan, hein, qui est très importante, qui était pour une coup une véritable actrice d'origine asiatique, qui aussi à l'époque essayait de se faire un peu la main Hollywood, de se faire un nom, ce qui n'était pas facile, en fait. Oui, il faut dire quand même que c'est vrai qu'il fait partie de ce monde-là, mais il n'est pas totalement accepté. C'est-à-dire que c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'il est accepté en tant que professeur d'arts martiaux, mais lui, son but, c'est pas du tout ça. Son but, c'est de devenir une star de cinéma américaine. Et ça, c'est pas possible. On va continuer d'en parler, mais pour le moment, on écoute Gabriels avec One and Only. Some angels with a broken heart come. and Only de Gabriels. Le chinois est en train de s'enfuir, patron. Capturez-le, mais ne le tuez pas. Blockbuster. Frédéric Sigrist. Sur France Inter. The best story for me. La meilleure histoire, selon moi, c'est quand j'étais jeune, je faisais un cascadeur qui devait se battre contre Bruce Lee. Et j'étais derrière la caméra à attendre, et je voyais Bruce Lee enchaîner les mecs. Et là, je cours vers lui, et lui me frappe. Et soudainement, je vois plus rien, parce qu'il a frappé avec son bâton en plein sur ma tête. Il n'avait pas arrêté son mouvement à temps. Mais bon, je fais rien, je suis juste tombé, un peu étourdi. Et je regarde Bruce Lee, Bruce Lee lui fait rien, il regarde tout le monde, il continue de jouer, il se retourne, jusqu'à ce que le réalisateur dise couper. Et alors il lâche les bâtons, il se tourne vers moi et il dit « Oh mon Dieu !» Il a couru jusqu'à moi, il m'a relevé « Je suis désolé !» Et en fait, j'avais plus mal parce que bon, j'étais jeune et coriace, mais d'un coup, je me suis mis à faire semblant que ça faisait vraiment mal. Je voulais juste passer un peu plus de temps avec Bruce Lee. Fabien Moreau, on vient d'entendre Jackie Chan qui a commencé sa carrière en tant que cascadeur et qui a donc eu l'infime honneur de se prendre des nions de Bruce Lee. Alors Jackie Chan qui lui a été formé à l'Opéra de Pékin, qui connaissait le cinéma de Hong Kong du début à la fin. Et comment ça a été perçu le retour de Bruce Lee dans le cinéma hongkongais? Parce que voilà, entre temps il y avait quand même eu le Frelon Vert, on va y venir, mais comment a été perçu pour le public chinois, la figure de Bruce Lee? C'est vrai qu'il faut revenir légèrement un petit peu avant, puisque ça, le succès du cinéma d'arts martiaux à la fin des années 60, c'est vraiment fait par palier. Le premier film à avoir cassé le box-office, c'était le Warnam Swordsman, hein, donc le premier film du sabre oui. manchot, hein, Un seul bras les tue à tous de Chang Che, qui était le premier film à avoir franchi la barre du million de dollars. Qui a eu un très très très bon remake de Choi Hark, The Blade que, voilà, vraiment, regardez-le. Dans nos cœurs, hein, regardez The Blade, d'utilité publique. Et c'est vrai que ce film-là, vraiment... Oui, le remake, ouais, tout à fait. Là, l'original, c'était avec Jimmy Wong Yu, hein, donc qui incarnait, on va dire, la figure du héros handicapé. Mais c'était une très belle production, cinémascope couleur, avec des geysers de sang. Et c'était le héros chinois handicapé, mais un peu masochiste, hein, qu'on voyait souffrir assez intensément. Et Wong Yu, d'une certaine manière, c'est lui qui a un peu révolutionné le cinéma de Hong Kong, puisqu'il avait lui-même réalisé à 26 ans, toujours pour la Shaw Brothers, un film qui s'intitule The Chinese Boxer, donc la vengeance du tigre, ou Karaté à mort pour une poignée de soja, tout dépend du titre que vous préférez. On appréciera au passage vraiment, mais les trouvailles des marketing de l'époque, c'est toujours très humain, très beau rassemblement entre les peuples. Si ce n'est Lee, c'est donc son frère, hein, pour comme exemple. Et c'est vrai que ce film là, c'est ce film The Chinese Boxer qui a imposé la figure du kung-fu à main nue, et donc le nouveau record au box-office pour Wong Yu. Et c'est à ce moment-là que Bruce Lee, il est déjà plus ou moins arrivé sur la colonie, et que ce cher Raymond Chow va fonder la Golden Harvest. Et comme le dit Adrien dans son livre, Bruce Lee dit qu'on peut faire mieux, et du coup arrive Big Boss, qui est un vrai film de vengeance, mais de vengeance sociale. Sociale, de prolétaire. Et ce qui est drôle, c'est que le peuple va y voir la victoire des ouvriers face au patronat, alors qu'en fait, Raymond Chow est en train aussi d'envoyer un gros message à son ancien patron, lui disant « Oui, tu vas voir, on va te mettre des nions. » Et finalement, tout le monde y a vu un petit peu ce qu'il arrangeait dans ce film. Ouais, parce que la Shaw Brothers, c'était Bee Water, mais plutôt la théorie du ruissellement. Hein. C'est-à-dire qu'on est tellement puissant qu'on peut uriner sur tout le monde. On est trop puissant, c'est pas l'ancien superviseur de production, donc Raymond Chow, qui va nous embêter avec son Bruce Lee. Et d'ailleurs, la Shaw Brothers a méprisé Bruce Lee quand il est venu et qu'il a proposé de travailler pour eux. Ils lui ont proposé un contrat inacceptable, en fait, où pendant des années, il aurait dû continuer de travailler pour eux pour des cachets misérables. Ce n'est qu'un acteur, voilà. Et c'est vrai que Ron Chow, donc, qui était le patron de la Shaw Brothers, c'est une personnalité très important du cinéma hongkongais, mais il est aussi connu pour les énormes erreurs qu'il a fait dans sa carrière. Il est probable que passer à côté de Bruce Lee soit la plus grande. Oui. Et lui proposer ce contrat à la baisse aussi. Ouais. Adrien Gombeau, on a un petit peu avancé dans le temps, mais il y a eu cette étape très importante qui a fait connaître Bruce Lee du public occidental, c'est le Frelon Vert. Comment il s'est retrouvé sur cette série? Mais donc, et surtout, qu'est-ce que ça raconte? Son idée à Bruce Lee, comme on disait tout à l'heure, c'est de devenir acteur. Et c'est pas si évident. Il est entraîneur d'arts martiaux. Il a effectivement quelques élèves un peu connus. Et là, il décroche ce rôle dans le Frelon Vert, qui est une série où il va devenir le chauffeur du héros. Alors, c'est pas tout à fait intéressant pour lui, parce que lui, ce qu'il voudrait, c'est être le héros. Et là, il est le mec qui conduit la voiture pendant que le héros est assis à l'arrière. Et sauf que c'est lui qui fait tout. Et sauf que lui, avec les capacités inouïes qu'il a, il devient la star de ce show. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le Frelon Vert, c'est clairement le chauffeur et pas le héros. Alors, la série elle-même, elle va pas avoir un succès énorme. Elle déclenche une vague d'intérêt pour les arts martiaux. C'est-à-dire que tout à coup, on voit du kung-fu dans les salons des Américains à une heure de grande écoute. Et ça va créer quelques vocations. Mais ça s'arrête assez vite. Au bout d'une saison, le Frelon est déprogrammé. Mais elle marche très bien à Hong Kong. C'est-à-dire que tout à coup, les Hongkongais voient un Chinois dans une série occidentale jouer un rôle important. Et c'est ce qui fait que quand il rentre à Hong Kong de façon tout à fait impromptue, il s'aperçoit qu'il est devenu très connu, ce qui le surprend, et que donc les rôles qu'il ne peut pas avoir aux États-Unis, il a peut-être une chance de les construire, du moins temporairement, à Hong Kong, grâce au Frelon Vert. Parce qu'il y a ce projet aussi monumental de la Flûte silencieuse qu'il rêve d'adapter avec James Coburn à la réalisation, oui. Je crois. Hein. Alors c'est un projet très personnel, la Flûte silencieuse, c'est l'idée de faire un grand film d'arts martiaux un peu ésotérique, qui raconterait l'histoire des arts martiaux, qui mélangerait un peu toutes ces idées de Bruce Lee et qui surtout lui permettrait d'avoir enfin un grand rôle au cinéma. Et donc il essaye de monter ce projet un peu hallucinant qui malheureusement ne va pas marcher. Mais son idée c'était, puisque le cinéma américain ne veut pas de moi, puisque je ne parviens pas à obtenir des rôles, eh ben je vais écrire un scénario et puis je vais me donner le rôle principal du film, et ça va faire de moi une star américaine. Et malheureusement, ce projet est complètement fou. Enfin, quand on voit les bribes de scénario, c'est visiblement écrit sous LSD. Enfin, c'est un truc de dingue, c'est infaisable. Mais il s'est quand même lancé. Oui, parce qu'il y a des séquences porno érotico, enfin c'est philosophique. Il y a tout, hein. Oui, c'est un film. Je pense que si jamais ça se faisait aujourd'hui, ce serait forcément interdit au moins de 18 ans vu la description des plans qu'il y a là-dedans. Mais c'est assez hallucinant. C'est un mélange, ouais, de flower power, d'arts martiaux. Ça aurait été tourné en Inde. Il a d'ailleurs été en Inde avec James Coburn pour faire des repérages. Ça s'est pas très bien passé. Enfin, c'est un plan assez douloureux pour lui. C'est un échec. Il comptait vraiment là-dessus pour percer aux États-Unis, et ça s'est cassé la figure. Et donc, il est revenu à Hong Kong sur l'échec de ce projet. Mais de cette période, on sent aussi dans ses écrits énormément d'amertume vis-à-vis de cet Hollywood. C'est-à-dire qu'il en veut à James Coburn, qu'il l'accuse d'avoir flingué le projet. Il en veut à Steve McQueen, qui finalement lui a dit « Écoute, toi t'as envie que je te prenne dans mes films pour devenir une star, mais moi je suis pas là pour faire en sorte que les autres réussissent à ma place. » Il s'est créé aussi pas mal d'animosité. Il en veut aussi, je pense, alors je sais plus quel réseau c'était, qui appartenait à la Warner, c'était peut-être CBS qui s'occupait de Kung Fu, oui. Du coup, une série qu'il avait entre autres pitchée, et donc qui s'est retrouvé avec c'est David Carradine qui a récupéré le rôle, quoi. Donc ouais, je pense que ça fait vraiment partie. C'est un modèle qui arrive régulièrement. On avait parlé de Jackie Chan aussi. C'est vraiment quelque chose de Jackie Chan. Chacun de ses échecs américains l'a nourri pour peut-être systématiquement un de ses plus grands films à son retour à Hong Kong. C'est exactement la même chose qui se passe dans cet arc de carrière là de Bruce Lee, quoi. C'est-à-dire que c'est toute cette frustration américaine qui va finalement mener alors à Big Boss, qui est peut-être pas le plus grand film de tous les temps, hein, mais en tout cas à ce personnage là qui va introduire à ce moment là. On arrive bientôt vers la troisième partie de dernière partie de cette émission, mais avant cela on écoute Lonnie avec Le Goût de l'Orge. Là-bas, dans la nuit comme au matin. Le goût de l'orge de Loni sur France Inter the Dragon. Voici où donc suis. Dites-moi une chose. Des bougas. Ne me mentez pas. Si je me rends au japonais, est-ce que l'école pourra continuer à enseigner? Répondez-moi. Oui, je te le promets. Parole d'honneur. Je suis chinois, moi aussi. Bon, allez-y. Très bien, je me rends. J'ai été tué des gens au dojo Nijiguchi. J'accepte de payer de ma vie. Un extrait de La Fureur de vaincre de Lo Wei, sorti en 1973 en France et en 1972 à Hong Kong. Alors, c'est l'arrivée de Bruce Lee sur le cinéma hongkongais. Là, on vient d'entendre La Fureur de vaincre, un film donc particulièrement nationaliste, quand même, dans lequel les Japonais sont légèrement méchants, très très méchants. Comme beaucoup de films de cette période. Et encore aujourd'hui on parlait de Ip Man tout à l'heure. Faut voir la représentation des Japonais dans Ip Man, c'est encore quelque chose, hein. Ou dans les films d'Antelam, dans les films de même les films récents de Choyark. Mais oui, effectivement, c'est un film qui pourrait être considéré comme nationaliste. Mais qui, finalement, et c'est là qu'est tout le paradoxe, a servi à l'exposition de Bruce Lee à l'international et aux États-Unis, puisque, comme on le disait tout à l'heure, c'est ce nationalisme-là, finalement, qui va toucher le public de la Blaxploitation aux États-Unis, puisque les combats, on va dire, contre la ségrégation que vivent les Afro-Américains à ce moment-là, ils les retrouvent, en fait, dans le combat de Bruce Lee face à l'oppresseur japonais. Et par exemple, on sait que cette fameuse phrase qui est prononcée dans La Fureur de vaincre, où il dit, alors la traduction en français c'est les Chinois ne sont pas des malades, ce qui n'est pas la phrase originale, mais en tout cas celle-là elle a rendu complètement fou le public de la Blaxploitation à ce moment-là, quoi. C'est vraiment, ils ont retrouvé leur combat au travers de celui que menait Bruce Lee, alors qu'il était plutôt livré dans un but nationaliste. C'était pas tout à fait l'objectif, mais ça a fonctionné. Fabien Moreau, il y a aussi ce film qui est en fait une sorte de résumé de la carrière totale de Bruce Lee, qui est La Fureur du Dragon, avec cet affrontement contre Chuck Norris, poitrail velu, à qui il arrache une touffe de poils à la fin. Mais, sans doublure. Sans doublure en plus. Ah oui. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de la mise en abîme de la vie de Bruce Lee dans ce film. Bah déjà, je pense que toute la partie restaurant doit être inspirée de faits réels, hein. On va dire que ouais, je pense, hein, toute la partie quand ils s'entraînaient dans les bacs de restaurant. C'est un film aussi important parce que on le voit sculpter son corps dans ce film, la chose qu'on voyait très très peu aussi dans le cinéma d'arts martiaux de l'époque. On voyait rarement les acteurs torse nu en train justement de s'entraîner. On voit littéralement tous ces muscles littéralement bandés se former devant nous, donc ça c'est quelque chose de, je pense, capital. Et d'ailleurs il a érotisé énormément l'homme asiatique, là où jusqu'à maintenant c'était vraiment une figure de sage. Il y a quelque chose de fort, de très sexuel chez Bruce Lee. Il attire les femmes. Mais il y a un côté sexe symbole en fait chez lui. Tout à fait, il séduit au moins une femme par film. Oui, mais quand elle veut aller plus loin, et c'est écrit dans le livre d'Adrien Gombeau, il s'enfuit. Il n'a pas le temps. Il est là pour faire des arts martiaux. Il ne peut pas tout faire, malheureusement. Il faut garder la voix du dragon. Oui. Alors par contre, dans sa vie en dehors des films, là par contre, il avait le temps. Oui. Bah il est mort chez sa maîtresse. Hein, donc oui. Voilà. Mais ça fait partie du mythe aussi. C'est-à-dire que évidemment, oui, c'est vrai que ça a été un symbole érotique fort, Bruce Lee, effectivement. Et il y a quelque chose qui était presque attendu, le fait qu'il soit mort chez sa maîtresse. Je pense que pour quelqu'un de son rang à cette époque, c'était quelque chose qui se faisait. Pour revenir aux Japonais, quand même, c'est ça. Hein, à Hong Kong, on avait des maîtresses quand on était très riche. Betty Timpei. Et la pauvre Betty restera dans l'histoire du cinéma comme la maîtresse de Bruce Lee. D'ailleurs, ils ont fait un film. Après, la Shaw Brothers a fait un film qui s'appelle La vie sentimentale de Bruce Lee avec Betty Timpei, qui raconte les dernières heures de la vie de Bruce Lee selon sa perspective à elle. Voilà. Ah oui, très point de vue. Film. Voilà, il est joué par Danny Lee. C'est très très très, très réaliste. Ensuite, après La Fureur du Dragon, on a, si je ne m'abuse, Opération Dragon, Enter the Dragon. Ouais. Voilà, un film qui a l'air qui ne vous a pas laissé insensible, Marvin Montes. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Disons que c'est un film qui est en fait dans la lignée de la carrière de Bruce Lee, puisqu'il n'a pas la chance, on va dire, de travailler travaillé avec de très grands cinéastes. Voilà, Adrien, tout à l'heure, il voulait faire un film de Roman Polanski, fini avec Chloé. Ça représente un petit peu. Mais d'ailleurs, il le dit, hein, il le dit qu'ils sont nuls. Hein. Oui, bah, il a pas tort. Enfin, je veux dire, Loewy ou Robert Klaus, donc qui réalise Opération Dragon. Je vous invite à regarder leur filmographie. Bon, on n'est pas devant des foudres de guerre là, très clairement. Force 5, chef-d'œuvre absolu. Force 5, le chinois avec Jackie Chan. Voilà, beaucoup de choses comme ça. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est à quel point lui, justement, en tant que icône, arrive à transcender le travail de ces gens-là, finalement. Puisque même devant la caméra de réalisateur. Je sais pas si on va dire médiocre, mais si on va le dire, il est capable de marquer la pellicule en fait, parce que ça reste quand même un acteur qui a un impact encore aujourd'hui démesuré, qui a une carrière foudroyante avec seulement 4 films de son vivant et un espèce de mash-up étrange qui s'appelle Le Jeu de la Mort, mais qui pourtant est complètement resté dans l'histoire en tournant avec des réalisateurs de seconde zone. Et justement, est-ce que on n'a pas la création d'un acteur physique total qui a lui-même livré les effets spéciaux qui l'accompagnent? C'est-à-dire que on l'a vu dans l'exposition, notamment Ultime Combat au Quai Branly, qu'effectivement, il suffit de garder un plan sur lui. D'ailleurs, de le laisser vivre avec son corps comme ça. Et on n'a même plus vraiment besoin de montrer les adversaires. Ils rentrent dans le cadre, ils sont déjà éjectés. Mmh. C'est lui qui est l'attraction principale. Et le film, c'est son corps, c'est son charisme. Bruce Lee, c'est le package, en fait. C'est la marque, c'est l'affiche, c'est le produit, en fait. Et tout ce qui va avec. Et ce qui est fabuleux, c'est de voir, effectivement, qu'il vend littéralement son corps à l'écran. On sait qu'il n'y a pas de tricherie. Quand on le voit, on voit que ce sont des plans généralement assez larges, il y a très peu de cuts, il y a très peu de montage, on sait qu'il n'y a pas de mensonge en fait avec Bruce Lee, et c'est ça aussi qui fait la différence, c'est quand on le voit vraiment lui, que ce soit en train de distribuer des mandales, que ce soit en train de manipuler des armes, Nunjaku en plan séquence pendant une minute sans cut, ben voilà, la vérité, c'est Bruce Lee. Adrien Gambo, il y a Le Jeu de la Mort, ce film qu'il avait rêvé, mais bah, qu'il n'a jamais pu finir parce qu'il est mort avant, qui a été terminé comme ça a été terminé, voilà, là, avec cet affrontement avec Karim Abdul-Jabbar. Ça devait être quelque chose de complètement autre, Le Jeu de la Mort, dans l'esprit de Bruce Lee. Oui, il commence Le Jeu de la Mort, en fait, avant Opération Dragon. Il écrit un vague synopsis et il envisage, avec ses mots habituels, de faire le plus grand film d'arts martiaux de tous les temps. C'est-à-dire que voilà, c'est quelqu'un qui va escalader une pagode et puis à chaque étage, il a un adversaire et ça va être quelque chose d'immense. Et puis arrive cette proposition d'un film américain qu'il attend depuis des années. Il met ce film de côté. Il tourne Opération Dragon et sur son agenda, juste après, il a écrit deux mots, Le Jeu de la Mort. Et puis malheureusement, il va mourir et ce film n'aura pas lieu. Et il reste des plans qu'il a tournés en prévoyant vaguement quelque chose et qui vont être remontés un peu n'importe comment pour essayer de rentabiliser le phénomène Bruce Lee après sa mort. Mais le film qu'on voit n'est pas du tout celui auquel il pensait. Mais il y a par contre dans un bonus DVD un film où on a remonté certains plans tels qu'il les aurait voulu et c'est extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. Il y a un petit film en stop motion aussi. Alors oui, ça c'est encore autre chose. Mais alors, est-ce qu'il aurait vraiment pu faire ce film? C'est-à-dire que c'est tellement fou ce qu'on voit, est-ce que ça tenait vraiment? Est-ce que c'était assez structuré pour raconter une histoire? Ça reste Le Jeu de la Mort, un des grands fantasmes de l'histoire du cinéma, des films qui n'ont pas été faits et auxquels on peut rêver infiniment. Oui, comme le Dune de Jodorowsky, on en parlait. Voilà. Mais ce qui est fou par contre dans Le Jeu de la Mort, c'est que les dernières images qu'on a de lui, de son vivant, enfin, à ce moment-là, il est vraiment au maximum de ses capacités, quoi. Les images de lui qu'on a dans Le Jeu de la Mort, donc, vraiment, enfin, il a jamais été aussi fort que ça, quoi. C'est ça qui est véritablement frustrant. C'est des combats très intelligents. C'est-à-dire que quand on voit le combat avec Karim Abdul-Jabbar, qui est pas forcément un combat magnifique en termes d'arts martiaux, mais qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte comment on s'adapte à l'autre. Il tombe sur un géant, lui, il est pas si grand que ça, et il va le défaire. Alors, au début, il l'attaque, et puis, il bute contre un mur parce que l'autre est trop fort. Et ensuite, il va le contourner. Et ça, c'est toute sa vie. C'est comment j'ai pas réussi à arriver aux États-Unis, symbolisé par ce géant, et comment je vais quand même y arriver en faisant un détour. Et donc, c'est un combat qui est complètement autobiographique et magnifique. Merci beaucoup, Adrien Gombo. Merci, Marvin Montes. Merci, Fabien Moreau, pour avoir évoqué Bruce Lee sur cette antenne. C'était une émission que je tenais depuis très longtemps. Donc, je suis très content. J'aimerais remercier également Loïc Frapsos à la technique, merci Loïc, et Rémi Sistiaga au mixage. Vous pouvez bien évidemment nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou en parler avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Et demain, on vous parle du premier artiste à avoir été dans le top 10 des charts anglais sur 6 décennies différentes. Une machine à tube au look improbable et au talent démentiel, Elton John sera dans Blockbuster. Après le journal, on retrouve un monde nouveau avec Mathilde Serrel. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Frédéric. Ce soir, eh bien, on va manger dans un monde nouveau. Restez avec nous. Manon Fleury est une jeune chef et une escrimeuse. Elle combat pour la gastronomie de demain, très humaine et branchée directement sur les produits. On vous écoute. France Inter.